Millennium 2. La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette. De Stieg Larsson. Traduction Léna Grumbach et Marc de Gouvenin. Adaptation Sophie Bocquillon. Réalisation François Christophe. Musique originale de Krishna Levy. Faites sauter la serrure. Elisabeth Salander n'habite plus ici. Il faut absolument la trouver. Je sais comment dire à Elisabeth que je cherche à entrer en contact avec elle. Vas-y, fonce. Mesdames et messieurs, bonsoir. La conférence de presse va pouvoir démarrer. Qu'est-ce qu'il y a? Non, suspect. La police recherche une femme du nom de Elisabeth Salander. J'ai vu les titres. La police recherche une tueuse en série psychopathe. Ils se sont déchaînés. La conférence de presse est terminée, merci. D'après Bjorman, Salander était devenue une vraie petite fille modèle. Ah non, pas lui aussi. Septième épisode. Désolée, je suis en retard. Nous n'avions pas encore commencé. Tu peux y aller, Hans. J'ai organisé cette réunion pour vous présenter le docteur Peter Teleborian. Il est médecin-chef de la clinique psychiatrique d'Uppsala. Il a eu la gentillesse de venir à Stockholm pour nous parler de Elisabeth Salander. J'espère vous être utile. J'aurais vraiment préféré que mes craintes ne soient pas justifiées. Vos craintes? Le soir des meurtres, je participais à un débat télévisé. Je parlais justement de ces malades mentaux qu'on laisse en liberté faute de moyens et qui sont, d'après moi, de véritables bombes à retardement. C'est le cas de Elisabeth Salander. Si on m'avait demandé mon avis, je ne l'aurais jamais laissé sortir de clinique. Je précise que le docteur Teleborian a été son médecin. Je l'ai prise en charge quand elle avait 13 ans. Parlez-nous d'elle. À l'époque, elle était psychotique. Elle avait des phobies et elle souffrait d'une manie de la persécution. Je l'ai suivie pendant 2 ans. Elle était internée à Uppsala. Mais nous n'avons jamais pu établir un diagnostic complet. Elisabeth Salander était une patiente difficile, qui refusait toujours de répondre aux questions et de collaborer avec les médecins. Vous dites qu'il n'y a jamais eu de diagnostic complet et vous ne l'avez pas vu depuis des années. Qu'est-ce qui vous permet d'avoir un avis sur son état aujourd'hui? Évidemment, je ne sais pas comment sa psychose a évolué. Mais si c'est elle qui a assassiné ce couple, alors je suis persuadé qu'elle les connaissait avant. Enfant, elle s'est toujours attaquée à des personnes de son entourage quand elle se sentait offensée. Et elle a aussi agressé des gens qu'elle ne connaissait pas, comme cet homme dans le métro quand elle avait 17 ans. Mais dans ce cas précis, elle n'a fait que se défendre. L'homme était un criminel sexuel connu des services de police. Mais ça illustre bien sa façon d'agir. Elle aurait pu s'enfuir ou appeler à l'aide. Non, elle a préféré se battre et répondre frontalement à son agresseur. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que depuis tout ce temps, elle n'a reçu aucun traitement. Et donc? Sa maladie fait maintenant partie intégrante de sa personnalité. Quand elle sera arrêtée, ça ne servira à rien de la mettre en prison. Il faudra l'interner. Vous la croyez suicidaire? Non, c'est une psychopathe égomaniaque. Il n'y a qu'elle qui compte. Les autres n'ont aucune importance. Elle est dangereuse? Soyez prudent quand vous l'arrêterez. Si elle a une arme, elle s'en servira. Allô? Magnus Boxway? C'est Erika Burger. Je vais être direct moi aussi. Je suis intéressée par le poste de rédactrice en chef du Svenska Morgenposten. Je savais que vous diriez oui. Quand voulez-vous que je vienne? Début mai, histoire de prendre vos marques à côté de l'actuel rédacteur en chef, Hakan Morander. La prise de poste officielle se ferait le 1er juillet. Est-ce qu'on ne pourrait pas repousser jusqu'à la fin de l'été, que j'ai le temps d'organiser les choses ici avant mon départ? Je sais ce que vous traversez, ça doit être terrible. Mais Hakan Morander a de gros problèmes cardiaques et il va avoir du mal à tenir jusqu'en juillet. Allô? Madame Berger? Je n'aurai qu'un mois pour tout régler à Millennium. Je suis désolé de vous mettre la pression, mais je n'ai pas d'autre solution. Ok, j'accepte. À une condition, pouvoir rester dans le capital de Millennium. D'un point de vue déontologique, ça va sembler bizarre. N'oubliez pas que nous sommes concurrents. Ça m'est égal. Je resterai à l'écart de l'activité rédactionnelle de la revue, mais je ne veux pas vendre mes parts. On trouvera une solution. Venez me voir la première semaine d'avril. Je vous rappelle pour fixer une date. D'accord. Au revoir. Je vous présente Bowman et Erickson qui travaillent chez Milton Security et qui vont dorénavant collaborer avec nous. Bienvenue. Merci. Certains d'entre vous me connaissent déjà puisque j'ai été des vôtres avant de partir travailler en privé. Sachez qu'on n'est pas là pour embrouiller l'enquête ou pour vous faire des cours en douce. On a pas mal côtoyé Salander à Milton Security. On peut vous fournir des infos sur elle et on fera tout pour vous aider. Essayons de faire un point. Yerker, tu as eu des informations sur les ressources de Salander ? Oui. Et vous allez être étonné. Elle a un compte à la Handelsbanken depuis plusieurs années. Il y a un an, elle était créditeur de 100 000 couronnes. À l'automne 2003, elle a tout retiré. C'est au moment où elle a arrêté de travailler pour Milton Security ? Le compte est resté à zéro pendant 2 semaines. Ensuite, elle l'a recrédité de la même somme. Elle pensait avoir besoin de cet argent. Et finalement, ça n'a pas été le cas. Peut-être. En décembre 2003, elle paye des factures et utilise 30 000 couronnes. Ensuite, plus aucun mouvement pendant un an, à part un versement de 9 000 couronnes, l'héritage de sa mère. Depuis, elle n'a plus touché à ce compte. Et comment elle fait alors ? C'est là où ça devient intéressant. En janvier, elle ouvre un nouveau compte à la SEB. Elle y verse 2 millions de couronnes. Pardon ? L'argent a transité par une banque des îles anglo-normandes. Il sort d'où cet argent ? Elle ne l'a pas déclaré. Elle n'est pas obligée de le faire avant la fin de l'année. Mais cette somme n'est pas mentionnée dans les comptes rendus mensuels que Bjurman faisait sur la situation financière de Salander. Bon, laissons cette histoire pour le moment. Côté technique, tu as du nouveau ? On a retrouvé les empreintes digitales de Lisbeth Salander dans l'appartement du couple assassiné, sur les débris d'une tasse à café. Il n'y a vraiment plus de doute possible. Elle était forcément à Enskede au moment du meurtre. En plus, un commerçant du coin l'a reconnue. Elle lui a acheté un paquet de cigarettes vers 22h. On a aussi ses empreintes chez Bjurman sur l'étui du 45 Magnum. Et Myriam où ? Aucune condamnation. Lesbienne notoire. Elle fait des études de sociologie et elle est copropriétaire d'une boutique porno dans Tenergaten. Domina Fashion. N'importe quoi, c'est une boutique de lingerie raffinée. J'y suis allé plusieurs fois. Et on ne sait toujours pas où est la fille. Non. Elle est peut-être partie en week-end. Ou alors Salander fait le grand ménage autour d'elle. Et elle a aussi descendu Myriam Wu. Bolinder ? On a trouvé ses empreintes sur le lit et sur les menottes. Un informateur m'a dit les avoir vues toutes les deux au bar du Moulin il y a une quinzaine de jours. Elles avaient l'air de flirter. Salander serait lesbienne ? Il paraît qu'à une époque, elle traînait avec un groupe de filles, les Evil Fingers. C'est quoi ? Une bande un peu occulte qui se réunissait pour faire la bringue. Des lesbiennes satanistes. Il manquait plus que ça. Hey, mais c'est quoi votre vision des femmes, les mecs ? Les Evil Fingers, c'était juste un groupe de rock féminin de la fin des années 90. Et l'ancien tuteur, Holger Palmgren ? En soins de longue durée, après une attaque, ça a l'air assez grave. Et Michael Blomqvist ? J'ai du mal à croire qu'ils sont impliqués. Sa version tient la route. Il nous a fourni un emploi du temps détaillé pour la soirée du double meurtre. Oui, mais son histoire d'agression dans l'Undagatan, ça ne tient pas. Il n'y a pas d'autres témoins à part lui. J'imagine mal une nana de 45 kilos échapper à son agresseur. Il aurait pu inventer cette histoire pour que Salander passe pour une victime. Et ce tatouage, je suis un porc sadique, un salaud et un violeur. D'après les médecins, il date de moins de 3 ans, fait à la va-vite. Vu l'endroit, Bjurman a dû souffrir le martyr. Et je l'imagine mal se faisant tatouer ça volontairement. Pourtant, il n'a jamais porté plainte. J'ai autre chose qui pourrait expliquer le tatouage. Ces photos porno retrouvées sur l'ordinateur de Bjurman. Il y en avait environ 2000. Toujours la même mise en scène. Des femmes humiliées, torturées, ligotées. Imaginons que le tatouage date d'il y a 2 ans. C'est le moment où Bjurman tombe malade. C'est aussi le moment où Salander cesse de travailler et part à l'étranger. Si Bjurman a effectivement violé quelqu'un, Salander serait une victime toute trouvée. Et ce serait aussi un mobile cohérent pour le meurtre. On peut voir les choses autrement. Salander et la Shintok sont des escortes sadomaso. Bjurman prend son pied en se faisant humilier, mais à un moment, le truc dégénère. Ça n'explique pas le double meurtre d'Enskede. Dax Denson et Mia Berman sont au courant de la relation des deux filles avec Bjurman. Alors Salander a voulu les faire taire. Tout ça, c'est des spéculations. La seule certitude, c'est qu'on nage en plein brouillard. Malou, c'est la liste de salauds que Dag voulait publier. Il y en a encore 7 que je n'arrive pas à identifier. deux clients et cinq souteneurs. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Essaie de trouver leur nom. Relis la thèse de Mia, tu auras peut-être des indices. Moi, je vais faire comme Dag et aller voir tous ceux qu'il a identifiés un par un. D'accord. Faudrait aussi que tu fouilles le passé de Bjorman. Je m'y mets tout de suite. À tout à l'heure, bon courage. Merci. Il y a un paquet de monde sur ta liste. Tu vas pouvoir tous les interviewer? Ça devrait me prendre une semaine. Le problème, c'est qu'ils sont tous éparpillés autour de Stockholm. Il me faudrait une voiture. Tiens, prends la mienne. Merci, Erika. Prends ça aussi. Une bombe lacrymogène? Tu sais qu'il faut un permis pour ça? Ces types sont dangereux. Je préfère que tu aies une amende pour port d'armes illégales plutôt que d'avoir à écrire ta nécro. Bingo. Qu'est-ce qu'il y a? Document pour Mick Blom. T'as vu ce dossier? C'est pas moi qui l'ai créé, c'est Lisbeth, j'en suis sûr. Elle a réussi à me l'envoyer sans passer par ma boîte mail. Comme ça, pas de trace. Ouvre-le. Salah. C'est tout? Ça me dit quelque chose, Salah. C'est un nom qui apparaît plusieurs fois dans les documents de Dag et Mia. Dag m'avait parlé de lui à propos de la prostituée Irina qui a été retrouvée noyée dans un canal. Qu'est-ce que tu essaies de me dire, Lisbeth? Renvoie-lui un message, peut-être qu'elle est encore sur ton ordi. Lisbeth, peux-tu être plus claire? Qui est Salah? Sais-tu qui a tué Dag et Mia? Aide-moi à démêler ce merdier. Il n'y a plus qu'à attendre. Cette fille est vraiment une énigme. Tu sais qu'elle ne m'avait rien dit de sa mise sous tutelle et de son séjour en HP? Ça devait être trop douloureux pour elle d'en parler. Je devrais peut-être prendre contact avec Teleborian. C'est le psychiatre qui s'est occupé d'elle quand elle était ado. Pourquoi pas? T'avais raison. Elle est là. Elle a répondu. C'est toi le journaliste, t'as qu'à le trouver. Et merde. Lisbeth, un journaliste s'informe en posant des questions aux gens qui savent. Je te repose la question. Sais-tu pourquoi Dag et Mia ont été tués et qui les a tués? Donne-moi un indice pour avancer. Ça va, Erika? Je te sens ailleurs. Non, non, tout va très bien. Elle répond plus, c'était prévisible. C'est le téléphone de Dag? Bouge pas, j'y vais. Erika, non! Ne décroche surtout pas. Indigo Marketing, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Gunnar Björk, j'ai reçu une lettre, il paraît que j'ai gagné un téléphone portable. En effet, toutes mes félicitations. Il s'agit d'un Sony Ericsson dernier modèle. J'aurais rien à payer? Rien. Il faudra juste que vous répondiez à une interview. Nous faisons des études de marché pour des entreprises. Ça prendra combien de temps? Une petite heure, en sachant que vous pouvez être tiré au sort pour gagner 100 000 couronnes. Ça peut se faire par téléphone? C'est pas possible. On doit vous montrer différents logos pour voir si vous les connaissez. Mais vous n'aurez pas à vous déplacer, on vous enverra quelqu'un. Comment vous êtes tombé sur moi? Notre logiciel a choisi des noms au hasard en fonction des catégories socio-professionnelles. Ok. J'habite ce Madalare. Je vous propose vendredi matin. Ça irait? Oui, c'est parfait. Fasté vient d'arrêter Myriamou. Ils sont dans la salle d'interrogatoire. Comment il l'a trouvée? Un voisin a appelé pour dire qu'elle rentrait chez elle. Fasté était dans le quartier, il a déboulé au quart de tour. Vous allez me dire pourquoi je suis ici? J'ai rien à faire ici. Madame Mou, je suis l'inspecteur de la criminelle Yann Boublanski. Et voici ma collègue Sonia Modig. On a des questions à vous poser. Début de l'interrogatoire de Myriamou. Qu'est-ce qui se passe? Je rentre chez moi, je trouve ma porte défoncée, barrée avec un ruban de police et un mâle bourré d'anabolisants me traîne de force jusqu'ici. T'aimes parler mal? Oh, ça suffit, Fasté. Qu'est-ce qu'on me reproche? Vous avez un mandat? Je regrette qu'on vous ait fait venir de cette façon. Et ça fait une semaine qu'on vous cherche et on a des questions à vous poser. Où étiez-vous passé? Ça vous regarde pas. Vous n'avez pas suivi les infos? Non. J'étais à Paris pour voir mes parents, si vous voulez savoir. Je restais 15 jours. J'arrive tout juste de la gare et je tombe sur lui. Et à la gare, vous n'avez pas vu les journaux? Non. Ta petite copine, Lisbeth Salander, est recherchée pour meurtre. C'est quoi ces conneries? Deux personnes ont été assassinées à Enschede, plus Maître Lurman, le tuteur de Lisbeth Salander. Même arme et les empreintes sont les mêmes. Son tuteur? Pourquoi son tuteur? De quoi vous parlez? Ça peut pas être elle. Ça fait combien de temps que vous connaissez Lisbeth? Genre 3 ans. Elle a disparu plus d'un an. Elle a ramené sa fraise ce printemps. Vous habitez ensemble? Non. Quand je l'ai revue, elle m'a proposé de reprendre son appart. Vous savez où elle habite? Non. Tu veux nous faire croire ça? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Commençons par ça. Aucune idée. Bah voyons, elle se prostitue? Mais ça va pas, non? Mais c'est quoi ces questions à la con? Vous couchez ensemble et tu sais pas où elle habite ni ce qu'elle fait. Tu penses qu'on va gober ça? Rien à foutre que vous me croyez ou pas, et que je couche avec elle ou pas. C'est pas vos affaires. Vous connaissez Milton Security? Jamais entendu parler. On vous a vu ensemble au bar du Moulin, toutes les deux, quelques jours avant les meurtres. Quand est-ce que vous l'avez vue pour la dernière fois? 2 ou 3 jours avant mon départ. Elle est passée pour me laisser les clés de sa voiture. Elle a une voiture? Elle vient de l'acheter. Et où elle est, cette voiture? Garée devant l'immeuble. Une Honda Bordeaux. Sonia, Hans, continuez sans moi. J'envoie une équipe sur cette bagnole. On va peut-être enfin savoir où Salander se cache. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'Indigo Marketing? C'est un piège qu'on avait tendu avec Doug pour coincer ce flic de la police secrète. Doug ne savait pas comment le joindre. Il avait juste une boîte postale. Alors on lui a envoyé une lettre en lui annonçant qu'il avait gagné un téléphone portable. Regarde. T'as reçu un nouveau fichier. Lisbeth. Demande au procureur Ekström pourquoi il n'a pas filé aux médias l'ancien rapport de police. De quoi il parle? Quel ancien rapport de police? Lisbeth, je suis crevée. Et pas d'humeur à jouer aux devinettes. On dirait que tu ne prends pas la situation au sérieux. Je veux savoir qui a tué mes amis. Elle n'a pas attendu cette fois. Qu'est-ce que tu ferais si c'était moi? C'est pas vrai, à quoi elle joue? C'est la première fois qu'elle accepte de renouer le contact avec toi, c'est bon signe. Ne t'énerve pas contre elle. Lisbeth, je te l'ai déjà dit. Je ne crois pas que tu aies tué Dag et Mia. Même si tu ne m'aimes pas, fais-moi confiance. Je sais que c'est toi qui as détourné les millions de Wennerström. Et je n'ai jamais révélé ce secret. Je ne suis pas ton ennemi. Nouveau message. Je vais y réfléchir. S'il te plaît, mets le turbo. Monsieur Björk? Bonjour. Vous avez trouvé facilement? Vos indications étaient très précises. Entrez. On va s'installer dans la cuisine. Je suis en arrêt maladie. J'attends qu'on m'opère d'une hernie discale. Pas trop grave, j'espère? Non, ça va. J'ai l'impression de vous connaître. On s'est déjà vu? Vous avez dû voir ma photo dans les journaux. C'est quoi déjà votre nom? Michael Blomqvist. Hein? Je suis journaliste. Je travaille pour le magazine Millennium. Millennium ? Je savais pas que vous faisiez des études de marché. Ça nous arrive de temps en temps. Alors voilà. Je vais vous montrer des photos. Et vous allez me dire quel modèle vous préférez. Ça tombe bien. Mon téléphone actuel fait un peu des siennes. Je comprends pas, là. Vraiment. Elle, c'est Lydia Karamova, 16 ans, de Minsk, en Biélorussie. Elle, c'est Myung Soo-chin, dit aussi Yo-Yo, de Thaïlande, 25 ans. La dernière, c'est Yelena Barasova, 19 ans, de Tallinn. Tu as payé ces trois jeunes filles pour les baisers, j'aimerais savoir laquelle tu as préférée. C'est ça, mon étude de marché. C'est une blague ? Oh non. Dax Svensson a réuni ses documents. Il allait publier un reportage sur la prostitution en Suède et il a été assassiné avec sa compagne. Ton nom apparaissait dans son enquête. Il a essayé de te joindre avant de mourir, mais il n'en a pas eu le temps. Alors je prends la suite. Qu'est-ce que vous voulez ? Tu connais Niels Bührmann ? Lui aussi tué d'une balle dans la tête. On s'est rencontrés au club de tir de la police. Et on a dîné deux ou trois fois ensemble. Je l'ai pas vu depuis des mois. C'est tout ? Oui. Vous êtes conscient que vous allez démolir ma vie en publiant ça ? Tu vas me faire pleurer. Vous n'avez aucune pitié ? Et toi ? Tu en as eu pour les jeunes filles que t'as baisées ? Autre chose. Est-ce que tu connais un certain Salah ? Salachenko ? Il s'appelle Salachenko ? Donc tu le connais ? J'ai pas dit ça. Qu'est-ce que vous cherchez ? Ce nom figurait dans la liste de Dax Svensson. Si je sais quelque chose sur lui, combien ça vaut pour vous ? Qu'est-ce que vous me donnez en échange ? Ça dépend de ce que tu sais. Vous pouvez m'oublier dans votre reportage ? C'est faisable. Bien. Je vais vous dire ce que je sais. C'était Millennium 2 de Stieg Larsson. Septième épisode. Avec Christophe Raymond, Michael Blomqvist, André Marcon, Yann Boublanski, Johanna Nizar, Sonia Modig, Philippe Béraudeau, Hans Faste, Sylvain Clément, Peter Teleborian, Marie Payen, Erika Berger, Vincent Grasse, Magnus Borgsfue, Christopher Wright, Jerker Holmberg, Florian Guichard, Baumann, Philippe Bautier, Kurt Bolinder, Jean-Gilles Barbier, Eriksson, Pauline Moulaine, Malou Eriksson, Quentin Bayot, Gunnar Björk, Léonie Pinjot, Myriam Wu. Et la voix de Netta Landau. Musique originale de Krishna Levy, interprétée par l'Orchestre National de France, dirigée par Didier Benetti. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc, Sébastien Labarre. Assistante à la réalisation, Marie Placet. Réalisation, François Christophe. Millennium 2 est publié chez Actes Sud dans la collection Actes Noirs, la musique de Krishna Levy aux éditions Amélie.